comes in and take you for a spin. Oh la la la, c'est magnifique. When every night your loved one hold you tight. Oh la la la, c'est magnifique. But when one day your loved one drift away. Oh la la la, it's so tragic. But when once more she whispers, je t'adore, c'est magnifique. Take you for a spin. Oh la la la, c'est magnifique. When every night your loved one hold you tight. Oh la la la, c'est magnifique. But when one day your loved one drift away. Oh la la la, it is so tragic. But when once more she whispers, je t'adore, c'est magnifique. But when once more she whispers, je t'adore, c'est magnifique.